J'aimerais aussi niquer une blonde. Moi je voudrais voir le ciel bleu. Je voudrais pouvoir vivre à deux. Quelqu'un frappe à ma porte. Il me dit qu'il s'appelle tu Arité. Je ne connais pas cet homme. C'est qui c'est que tu Arité? Les gens m'appellent, j'en passe, mais je veux juste être aimé. Les gens ne m'aiment pas, mais je m'en fous, je ne suis pas gay. La vie est trop dure. Si je m'accroche, j'y arriverai. Faut pas que je fonce dans le mur. Il faut que je puisse grimper. Quelqu'un frappe à ma porte. Il me dit je suis une femme. Je ne connais pas cet homme. C'est qui? C'est une femme. Les gens m'appellent, j'en passe, mais je veux juste être aimé. Les gens ne m'aiment pas, mais je m'en fous, je ne suis pas gay. Je me sens seul, j'ai l'impression d'être bloqué. J'ai besoin d'aide. J'ai la sensation d'avoir pété. Quelqu'un frappe à ma porte. Il me dit qu'il s'appelle informatique. Je connais bien cet homme. C'est qui c'est l'informatique? Les gens m'appellent, j'en passe, mais je veux juste être aimé. Les gens ne m'aiment pas, mais je m'en fous. Je ne suis pas gay. Les gens m'appellent, j'en passe, mais je veux juste être aimé. Les gens ne m'aiment pas, mais je m'en fous, je ne suis pas gay. Les gens m'appellent, mais je veux juste être aimé. Les gens ne m'aiment pas, mais je m'en fous, je ne suis pas gay.